Chapitre 7e, la demande en mariage. Qu'avait donc de si important à dire en particulier à Maître Auguste, le capitaine Montane ? L'histoire reste muette sur ce point, et jusqu'à nouvel ordre, nous sommes forcés de nous borner à des conjectures. Seulement, au bout d'un quart d'heure, les portes de la salle à manger, hermétiquement fermées jusque-là, s'ouvrirent violemment et le capitaine, pourpre de colère, sortit tirant ses moustaches, tandis que Maître Auguste van der Warsen lui disait le plus doucement qu'il pouvait et en multipliant les révérences. « Le nez, mon cher monsieur Montane, le nez, c'est un grand empêchement. Ça parlote. Une aune, c'est bien. Deux aunes, cela va encore, mais deux aunes et demie, c'est trop. » Le capitaine traversa le salon sans regarder ni Madame Auguste qui jouait au piquet avec Enzius, ni Jane qui causait avec Elim, et par conséquent sans leur dire une parole. Seulement, lorsqu'il fut arrivé au perron, on l'entendit qui murmurait « Ah, monsieur Narvarsan, ah, Narvarsan, vous me paierez cela !» Un instant après, on entendit le bruit de deux chevaux et l'on vit le douanier qui s'éloignait au galop. Ne comprenant rien à cette sortie, Jane et Elim se levèrent et allèrent trouver Maître Auguste dans son cabinet. Maître Auguste, contre son habitude, paraissait fort agité. Il marchait en long et en large dans la chambre et très vite, il était facile de s'apercevoir qu'il était sous le poids d'une émotion extraordinaire. Mais en voyant sa gentille Jane, sa figure s'éclaircit. Il la prit par la main et l'embrassa. « Bonne fille, lui dit-il, n'est-ce pas que tu ne veux pas abandonner ton père ?»« Pourquoi donc me demandez-vous cela ?» dit timidement Jane. « Hélas, c'est ainsi, ma chère. Un triste souvenir m'est passé par l'esprit. Je me souviens qu'au printemps j'ai vu les jeunes hirondelles, à peine couvertes de plumes, qui s'étaient échappées du nid. Elles furent prises par des écoliers. Les filles ressemblent aux hirondelles, ma pauvre Jane. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mon père, mais je n'ai jamais voulu vous quitter. Je ne voudrais pas non plus vous quitter. » Jane hésita, puis reprenant courage. « Promettez-moi, ajouta-t-elle, de m'accorder ce que je vais vous demander. Bien, bien, ma chère, je comprends. Tu désires avoir quelques bijoux, une bague, un collier. Parle, tu sais bien que je ne te refuse rien. Oh, mon père, j'ai déjà tant de bijoux que de ce côté-là, je n'ai rien à désirer. Mais vous ne vous fâcherez pas, mon père ? Je me fâcherai si tu ne me dis pas à l'instant ce que tu désires. Et saint maître de danse, je te donne ce Saint-Léger, élève de Vestris, qui danserait la gavotte sur le goulot d'une bouteille. Vous badinez toujours, mon père, mais moi je vais vous parler sérieusement. Sérieusement, toi ? Ah, par exemple, je suis curieux de voir ce que peux-tu avoir de sérieux en tête. Mais dans le cœur, mon père. Maître Auguste regarda Jane. Oui, nous, moi, Elim, balbutia celle-ci. Ah oui, ce cher Elim, pauvre ami, sais-tu, continua-t-il en s'adressant au jeune homme, que nous devons nous séparer bientôt. Et voilà justement pourquoi je viens vous relancer dans votre cabinet, mon respectable maître. Oui, nous devons nous séparer pour toujours, ou pour bien peu de temps. Je ne vous ferai pas une nouvelle harangue. Ni mon caractère ni le vôtre ne sont amis des détours. J'aime votre fille, Jane même, votre consentement nous fera heureux. Dites-moi oui, je vous quitte, et après la guerre, je reviens en vous disant, cher père, donnez-moi Jane. Jane ? Te donner Jane ? Jane se marier ? S'écria Maître Auguste en faisant trois pas en arrière. Saperlotte ! C'est court et clair, Elim. Ah ça, mais c'est une rage, une épidémie aujourd'hui. Tout le monde veut se marier et épouser Jane. À peine ai-je chassé Montane, quand voilà un autre qui se présente en me chantant la même chanson. J'espère, cher monsieur Van Narverson, dit Elim en riant, que vous ne me mettez pas tout à fait sur le même rang que le capitaine Montane. Saperlotte, Dieu m'en garde, mon cher enfant. Mon respectable ami, jamais je n'eusse osé vous demander la main de Jane si je n'avais pas un certain droit sur elle. Son amour, d'abord, et mon désir de la rendre heureuse. « Cher père, c'est que j'aime beaucoup Elim, moi, » dit Jane à son tour en se jetant au cou du vieillard. « Allons, pas de sottises, petite fille, » interrompit Maître Auguste. « Sais-tu seulement de quel côté tu as le cœur ? Les enfants, jouant à la poupée, disent bien souvent « j'aime », sans savoir ce qu'ils disent. Je m'étonne seulement. Comment tu as osé dire un mot à un étranger sans en parler ni à ton père ni à ta mère ? Songe donc que tu n'as pas encore 16 ans. Quant à toi, Elim, je ne te blâme pas. » Et tu as doublement raison d'aimer une jolie et riche héritière. » Elim fit un mouvement qui indiquait qu'il venait d'éprouver à peu près la même douleur que lui eût faite une blessure. Von Narversen, dit-il, vous pouvez me refuser une part de votre bienveillance, mais vous n'avez pas le droit de me refuser une part de votre estime. J'ai en Russie une assez belle fortune et une assez bonne réputation, et je n'ai jamais rien dit ni fait qui puisse vous autoriser à croire que je suis un spéculateur. Je n'ai aucun besoin de votre fortune, je suis assez riche pour deux. Donnez-moi Jane telle qu'elle est maintenant, je ne demande rien avec Jane, que son amour et votre consentement. Bien dit et noblement pensé, jeune homme. Je ne te connais que depuis 3 semaines. Je ne t'offense pas par un doute, je crois, à tes paroles. Mais souviens-toi qu'il est très hasardeux d'offrir sa main quand la tête court un si grand danger. Montaigne soupçonne quelque chose. C'est ta faute. Tu n'as point su te contenir. Il ne tardera pas à me dénoncer à son gouvernement, qui me déteste. Moi-même, je songe à quitter la Hollande. Que ce soit notre sympathie ou non, nous sommes en guerre avec les Russes. Et Dieu sait quand cette guerre sera finie. Et finit-elle bientôt, Dieu sait encore. Dieu sait quand tu pourras revenir. Et puis enfin, pense combien leur coûte à un père et à une mère de se séparer de leur enfant. Je viendrai vous voir une fois chaque année. Je vous donne ma parole. Il y a plus. Je suis seul, je suis libre. Je puis demeurer avec vous si vous le désirez. Non, mon cher Elim, dit le vieillard en secouant la tête. « La femme doit tout quitter pour suivre son époux, la Bible le dit. Mais la Bible dit que pas un mari n'oubliera son pays pour sa femme. Je t'avouerai que tu me plais beaucoup, Elim, et si tu étais hollandais, je t'appellerai à l'instant même mon fils. N'eusses-tu pas un seul ducat dans ta bourse? Mais laissez partir ma fille si loin de moi, elle si jeune, toi si léger, qui sait, peut-être avant 6 mois, ne songerez-vous plus l'un à l'autre? Nous ne fussions-nous pas vus dans ce monde, maître Auguste? En rencontrant Jane dans l'autre, j'eusse dit « Voilà la femme de mon cœur. » « Mon père, en tout cas, je déclare une chose, » ajouta Jane, « c'est que je n'aurai pas d'autre époux, Kalim. » « Tout cela est fort grave, ma jeune amie. Vous parlez avec chaleur, et la chaleur est une maladie qui passe vite. Je veux bien croire que votre amour est éternel, et que ni le temps ni les dangers n'auront prise sur lui. Nous allons nous séparer, nous. Elim, écoute-moi. Si tu reviens avec les mêmes pensées, et si tu retrouves Jane dans les mêmes sentiments, que Dieu vous bénisse alors. Je ne serai jamais un obstacle au bonheur de mes enfants. Pendant ce temps-là, notre connaissance sera plus profonde. Jane grandira, et en grandissant, deviendra plus raisonnable. Pouvons-nous compter sur votre parole, mon père, et échanger nos anneaux? Quant à ma parole, tu peux bâtir un château dessus. Mais quant à l'échange des anneaux, je le trouve on ne peut plus inutile. Tu es militaire, tu es marin, tu peux être tué. Tu peux périr dans une tempête, et alors Jane sera veuve, sans avoir été épouse. Mon digne ami, dit Elim, ce n'est ni un usage, ni un engagement que j'invoque, c'est une consolation de cœur. Donnez-moi le droit de me compter comme étant de votre famille, donnez-moi le droit d'appeler Jane ma fiancée, donnez-moi le droit de vous nommer mon père. Elim mit un genou en terre devant le vieillard. Mon père, dit Jane, ayez pitié de nous, donnez le bonheur à vos enfants. Ah ça! S'écria le vieillard en essuyant ses larmes. « Avez-vous bientôt fini, saperlotte ? Levez-vous, consolez, embrassez-vous vous-même, mais n'insistez pas davantage, si vous ne voulez pas que je vous refuse tout à fait. Je dois être raisonnable pour vous, puisque vous, vous ne l'êtes pas. Demain, vous vous séparez, mais vous vous séparez en vous disant que l'avenir dépend de vous. Maintenant, laissez-moi tranquille et donnez-moi le temps de rassembler mes idées. » Elim croyait s'apercevoir que ce consentement ressemblait fort à un refus. Mais que pouvait-il faire? Il baisa la main du vieillard. Jane l'embrassa, moitié caressante, moitié boudeuse, et tous deux s'éloignèrent tristement. Pendant ce temps, notre capitaine de douaniers retournait vers la ville en maudissant tout ce qu'il voyait autour de lui. Étant médiocrement cavalier, il dansait terriblement sur sa selle, mouvement qui n'ajoutait pas peu à sa mauvaise humeur. Son compagnon, soldat de marine, bordelais comme lui, le suivait sur un cheval maigre en fumant une courte pipe. Et à chaque saut du capitaine, il disait « Maudit chevaux !» avec la même régularité que Pandore disait « Brigadier, vous avez raison !» Les chevaux et les hommes, Cabaret, c'était le nom du soldat de marine, nom qui lui avait évidemment donné à cause de son assiduité à visiter les établissements consacrés au dieu du vin. Les chevaux et les hommes, l'eau et la terre, l'air et le ciel, tout est mauvais dans ce pays de brouillard. 1200 bombes! S'il ne fallait qu'un signe de mon doigt pour faire crever leur digue, ils seraient bientôt submergés. « Cap de Dieu !» répondit Cabaret. « Je suis d'accord, mon capitaine. » Et comme le capitaine avait fait un saut de 10 pouces sur sa selle, « Maudit chevaux !» dit Cabaret, qui n'était guère meilleur cavalier que celui qui l'accompagnait. « Vois-tu, c'est mon habit et mon habit de cœur, entends-tu. Qu'est-ce que les hommes d'ici? De grossis marchands, les femmes, des cuisinières, et les demoiselles, des pots à lait. Pas d'éducation, pas de savoir-vivre. Pour elles, un morceau de fromage de Limbourg est préférable à l'amour d'un gentilhomme. D'accord, 100 fois d'accord, mon capitaine, maudit chevaux. Aussi, je me marierai plutôt avec la veuve du diable que d'épouser cette petite fille. L'imbécile du Hollandais, il donne dedans. Il a cru que je lui demandais sérieusement sa fille. Il n'a pas vu que je me moquais de lui avec ma proposition. Le fait est, capitaine, que pendant que j'étais à la porte, je me creusais la tête en disant, cap des dieux, à qui on a donc le capitaine d'épouser une pareille tulipe? Et comment crois-tu qu'il a reçu ma proposition, le vieux coquin? Dit le capitaine. Il s'est jeté à votre cou. J'espère bien, capitaine, les bras ouverts et la poche verte. Ha ha ha! Dit le capitaine en riant du plus mauvais rire. Compte là-dessus, il m'a refusé. Refusé? Cap des dieux! Vous badinez avec moi, capitaine? Non. En vérité de Dieu, c'est comme je te le dis, Cabaret. Il se croit un grand seigneur, parce qu'il marche sur des tapis de velours et qu'il a sur sa table des candélabres de bronze, la belle chose. Mais quand il pourrait couvrir de son drap toute l'Europe et paver de son or tout le Zuiderzee, je n'en voudrais pas de sa bégueule de fille. Aussi bien, ajouta-t-il, en fronçant son sourcil et mordant sa moustache, eût-il tout ce que je disais, on peut le ruiner. 1000 fois d'accord, capitaine. Si on peut, il faut. Mais ce n'est pas facile de mordre sur ces damnés orangistes. Premièrement, Cabaret, il lit les gazettes anglaises. Secondement, il est juif. Troisièmement, il est... Le capitaine chercha inutilement ce qu'était en troisième lieu Maître Auguste. Ce qui n'empêcha point Cabaret de répondre « D'accord » et d'ajouter « Sans compter qu'il a chez lui des hommes... des hommes... » répéta Montaigne. « Oui, qui me sont suspects, » dit Cabaret. « Quels hommes ? » demanda Montaigne, dont les yeux brillèrent à l'espérance qu'il allait apprendre quelque chose qui pourrait compromettre le fabricant de draps. « Voyons, de qui parles-tu ? » « D'accord, mon capitaine. Eh bien donc, il y a 3 semaines à peu près, j'allais en patrouille avec quelques camarades. Maudits chevaux ! » « Je sais ce que tu appelles aller en patrouille. L'empereur n'aime pas les pillards. Bon, chacun prend ce qu'il peut. » L'un prend une ville, l'autre pille un coffre. Et c'est toi qui pille le coffre, n'est-ce pas, Maroufle? Prends garde. Celui qui prend les villes y trouve une couronne, tandis que celui qui pille les coffres ne rencontre parfois qu'une corde. Mais ceci est ton affaire et non la mienne. De quels hommes parles-tu, Cabaret? Donc, étant en patrouille, j'ai vu que 6 hommes sont entrés dans le moulin de ce fabricant, et quels hommes? De véritables bandits! « Cap des dieux, je n'aurais pas voulu les rencontrer sur mon chemin, maudits chevaux !»« Et comment as-tu vu cela ?»« En regardant par la fenêtre. »« Que voulez-vous, capitaine ? Je suis curieux, c'est mon défaut. »« As-tu vu cela en rêve ou en réalité ?»« En réalité. »« Armé jusqu'aux dents, capitaine, et des barbes que le sapeur de la vieille garde ne sont que des blancs becs près d'eux. »« Et la langue qu'il parlait donc, les oreilles m'en tintent encore. » »« C'était probablement des coureurs anglais. » Les Anglais ne portent pas de barbe, capitaine. C'est vrai. Tout à coup, leur chef m'a aperçu et sans dire gare, il a fait feu sur moi avec un pistolet long comme une canardière et large comme une espingole. Et qu'as-tu fait, Cabaret? Cap de Dieu, je me suis sauvé, capitaine. Et puis après? Après, voici. Écoutez bien ce qui me reste à vous dire, car c'est le plus intéressant. J'écoute. Aujourd'hui, pendant que vous étiez à déjeuner dans la salle à manger, moi je déjeunais à la cuisine près du feu, attendu que dans ce maudit climat, on rôtit sans se réchauffer. Voilà que le neveu de Maître Auguste entre pour allumer son cigare. Je lève la tête et je reconnais. Devinez qui, capitaine? Le neveu de Maître Auguste. Ah ben oui, le chef de mes bandits. Cabaret. Que le diable me serre la gorge avec sa queue si ce n'est pas vrai, capitaine. Ah, mon cher Cabaret, si tu t'assures de ce que tu dis là. Mais c'est vrai comme la vérité elle-même. Quant aux 5 autres, je me suis informé. Cabaret baissa la voix. Ils sont enfermés dans la fabrique. Le vieillard dit que ce sont des mécaniciens. Cap des dieux, des mécaniciens de fausse monnaie. Pour cela que le vieux coquin est si riche. Décidément, je suis un homme de génie, Cabaret. D'accord, capitaine, mais en quoi? En ce que j'ai vu tout de suite que ce jeune homme était un ennemi de la France. Tu es sûr de ce que tu dis, Cabaret? Moralement, capitaine. Moralement, oui, moralement, ça m'est égal, pourvu que tu en sois sûr. J'en suis sûr. Eh bien, dès demain, je dénonce le vieux coquin à la police. Ah, un crime de haute trahison. Ce n'est pas une bagatelle, maître Auguste Narvarsan, ce n'est pas une bagatelle. Et comme on entrait dans la ville, le capitaine Montagne fit signe à Cabaret de se taire, invitation à laquelle le fils de la Garonne obéit en se contentant de rompre le silence pour dire de temps en temps « Maudit chevaux !»